trop dangereux dans votre cas. Ouais, ok, ok. Je perds dans des coins sombres de nuit, on laisse passer de vite, nous me barre vite, check le son d'un dos, car plus que le blues que Dimitri. Y'a pas d'échec, en bas de l'échelle, ça devient dur. Deux heures, je regarde tous mes espoirs rouillés, plus que j'y crois dur. Comme faire ça depuis le quand tu vis là. Je t'avoue que t'as des raisons de pas rire. Je te souhaite bien mieux dans mon 18 que je donne Resort Paris. Je développe ma rime parce que la gloire, on a quand la course. Même si, comme un spell test, tous mes espoirs sont à 0%. J'ai la prose imposante. Est-ce que l'état n'assume pas? C'est que j'ai pas besoin de déterminer que plat aux as pour mettre Arthur. T'as j'assure le pas, tant que mes frères en déversent les verres de la bière dans les verres. Faut passer l'hiver, la galère fout les nerfs. C'est pour ça que mes verres en déferlent. J'suis plus à découvert que ces putes qui ne portent pas dessous. Cette vie m'a trop déçu. Comme un ami face à un bol de soupe, j'attends que je dessoule avant que ce monde me livre aux flics. Dans ce monde, je me sens perdu. Pire qu'un sumo face à un frigo vide. C'est un luxe que nous avons. Dans ma tête, c'est le désert au cas souvenir des mille et une cuites. Le temps n'en est pas. Je te souhaite bienvenue dans mon 18 que je t'en Resort Paris. C'est un luxe que nous avons. Dans ma tête, c'est le désert au cas souvenir des mille et une cuites. Le temps n'en est pas. T'as pas compris. Je te souhaite bienvenue dans mon 18 que je t'en Resort Paris. Mais le but c'est de cacher ses larmes quand les soucis s'entassent. Pour l'état, on est des larves qu'il faut éradiquer. Parce que ma vie s'encrasse, perso l'espoir, je m'en passe. Tu me diras pas que j'ai tort, pas de belle histoire dans mon checker. Le père Lachaise remplace le père Castor. J'ai 20 piges, j'ai même pas de baisse, donc rade ma baisse. Sauf quand on garde des 16 ans, crête de guillemot, ta barbe. Je m'encarte dans des sales rêves. Puis c'est que de la merde qu'on reste. Pire j'encaisse, pire qu'un mec qui souffre 40 bougies à 13. Puis dans ma tête, c'est le désert. Aucun souvenir, des mille et une cuites. Y'a tellement de fils de chef, c'est facile de se faire 30 millions d'ennemis. À force de faire de la zig, ça c'est bien d'en connaître les bases. Certains se la pètent, mais sont même pas capables de mettre les gaz. Ma mère trouve aberrant, j'tis, j'me retrouve devant mes pirantes. Car j'ai juste un verre en guise de repère sur une terre en crise. Donc j'en kill, loin des paillettes, des strass, tellement des as. Mon crew, c'est la petite casse qui te crame et qui peut foutre plus la gueule qu'un César. C'est un luxe que nous avons. Dans ma tête, c'est le désert au cas souvenir des mille et une cuites. Le temps n'en est pas. Je te souhaite bienvenue dans mon 18 que je t'en Resort Paris. C'est un luxe que nous avons. Dans ma tête, c'est le désert au cas souvenir des mille et une cuites. Le temps n'en est pas. Je te souhaite bienvenue dans mon 18 que je t'en Resort Paris. C'est un luxe que nous avons. Dans ma tête, c'est le désert au cas souvenir des mille et une cuites. Le temps n'en est pas. Dans ma tête, c'est le désert au cas souvenir des mille et une cuites. Le temps n'en est pas. Je te souhaite bienvenue dans mon 18 que je t'en Resort Paris.